إن شاء الله تعالى مأجورا مشكورا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer, si les frères et ceux qui veulent suivre, alhamdulillah, les frères de la mosquée, ils ont imprimé des copies de Al-Usul al-Thalatha, Al-Usul al-Sitta, en français et en arabe. Donc, si vous voulez profiter de ça, ma yani barakallahu fikum. Donc, c'est très intéressant, mashallah, très bénéfique. Donc, vous voyez, c'est un livre qu'on va le livre qu'on va étudier, il est résumé dans une seule page. Il est dans une seule page, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui est long. Mais la compréhension de qu'est-ce qui est mentionné dans ces 6 fondements, ça remplit yani, des volumes. On va expliquer aujourd'hui ce livre avec le charh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Rahimahullah. Donc on commence inshallah. Bismillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cheikh, l'auteur du livre qu'on va étudier aujourd'hui, hein, premièrement, avant toute chose, j'aimerais bien remercier les responsables de la mosquée Farouk, le frère Abu Umama et le frère Abdul Hakim qui ont organisé ce séminaire. Et c'est une bonne initiative qu'ils ont eue de vouloir faire à chaque mois un séminaire sur un des livres parmi les livres des ulama pour être capable justement de profiter. Et non seulement on profite de la science bénéfique, mais en même temps on profite de se rencontrer ensemble entre frères et d'échanger entre nous. Et donc ça, c'est une opportunité, quelque chose qui amène beaucoup de bien, alhamdulillah, et qui renforcit les liens de fraternité entre nous. Donc ça, c'est une chose vraiment, mashallah, très bien. Et donc, on commence aujourd'hui, le sujet de ce séminaire, c'est Al-Usul al-Sitta. La dernière fois, c'était Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles, et aujourd'hui, c'est Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements de la religion. Le cheikh qui a écrit ce livre, c'est le cheikh al-imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et c'est comme la plupart de ses livres, des livres qui sont très bénéfiques et qui ramènent les musulmans au fondement de la religion de l'islam et qui aident à les comprendre, à comprendre ces fondements. Donc dans ce livre, on va étudier 6 fondements, et ces 6 fondements, comme je vous ai dit, on les a imprimés sur cette feuille en arabe et en français, donc vous pouvez suivre qu'est-ce qui est traduit sur cette traduction, et en même temps on va traduire l'explication du cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen de cette risale, inshallah. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il commence par le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et il dit ensuite, min a'jabil a'ja'ib, parmi les choses les plus éblouissantes et les plus étonnantes, et parmi les signes, les plus grands signes qui indiquent la grande puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, celui qui a le dessus sur toutes choses et qui contrôle tout, il y a ces six fondements que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifiés d'une clarification évidente. De manière à ce qu'elle soit claire, même pour le commun des musulmans. N'importe quel des musulmans est capable de les comprendre, plus que qu'est-ce que quelqu'un pourrait même s'imaginer. Et après cela, hein, on a vu que des gens parmi les gens les plus intelligents et les plus savants, les plus intelligents parmi les fils d'Adam, ont fait des erreurs dans ces fondements-là, malheureusement, excepté très peu d'entre eux. Et donc, le Cheikh Ibn Uthaymeen, maintenant, après avoir fait cette introduction-là, après l'introduction, parce que ça c'est comme une introduction au livre, le Cheikh il explique maintenant, Cheikh Ibn Uthaymeen, point par point, la signification de qu'est-ce qu'on vient juste de lire ensemble. Il dit, قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ يعني ابْتَدَأَ الْمُؤَلِّفُ. Donc l'auteur, il débute son livre par Al-Basmala. Et ça c'est l'habitude de la plupart des ulama, lorsqu'il débute un livre, il commence par le nom d'Allah. Et la raison pour laquelle il commence par le nom d'Allah, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a débuté son livre, le Coran, par le basmala. Et les sourates dans le Coran, on voit qu'elles débutent hein, toujours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À part sourate At-Tawbah, mais sinon, il y a toujours le basmala. De même que ils font ça aussi en se basant sur l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écrivait des lettres et des messages qu'il envoyait aux différents rois et aux différents chefs des différentes tribus, il commençait toujours sa lettre par le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc ça c'est une des raisons pour lesquelles les ulama ils débutent leur livre de cette façon. Et la raison ici aussi pourquoi les ulama, en fait, quand ils expliquent la signification du basmala, ils disent qu'on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et quand on dit Bismillah, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Et la chose qui est sous-entendue, c'est un verbe. C'est un verbe hein, qui n'est pas mentionné. Et le Cheikh, il dit ce verbe qui n'est pas mentionné, c'est l'action qu'on va faire. Hein? Et il est placé après Bismillah, le basmala. Il est placé après le basmala. Et donc on va expliquer premièrement la raison pour le verbe en question qui est sous-entendu, c'est le verbe de l'action que tu vas faire. Comme par exemple, si tu t'apprêtes à lire le livre, tu dis Bismillah, aqra. Si tu t'apprêtes à disons faire n'importe quelle autre action, écrire par exemple, tu vas dire Bismillah aktub, au nom d'Allah je lis, au nom d'Allah j'écris. Et tu mets le verbe après le basmala parce que tu veux avoir la baraka de débuter par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh il explique lorsqu'il dit que Bismillah c'est composé du ba et du mot ism qui, et ça c'est al-jar wal-majrur, puis il est toujours relié à un verbe qui est parfois présent ou parfois qui est sous-entendu, qui n'est pas mentionné et qui correspond à l'acte que tu vas faire au moment où tu t'apprêtes à faire un acte quelconque. Donc ici c'est le cas de par exemple de lire, donc tu vas dire au nom d'Allah je lis. Et deux choses que le Cheikh a mentionné, des deux points qui sont bénéfiques du fait de débuter par le basmala et de mettre le verbe de l'action après, c'est que en premier tu comme je disais tout à l'heure, tu prends la bénédiction de débuter par le nom d'Allah, ça c'est de un, et deuxièmement ça donne également le sens de la restriction du fait que l'action que tu fais, tu l'as fait, mais tu l'as fait exclusivement et uniquement pour Allah. Donc, le fait d'inverser la formule et de dire au nom d'Allah, je lis, c'est comme si pour mentionner que tu lis uniquement en son nom à lui, et pour lui. Et que toute action que tu fais, tu la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh il explique le terme, le nom Allah, l'Afdhul Jalala. Hein? Et il dit que c'est un nom qui suit toutes les autres significations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite le verset à ce sujet-là, Kitabun anzalnahu ilayka li tukhrija an-nas min adh-dhulumati ila an-nur bi idhni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid. Allahu alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est un livre que nous avons fait descendre sur toi pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur, vers le chemin droit. Hein, du Tout-Puissant, digne de louange. Allah, celui à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Hein, donc tous les noms reviennent à ce nom-là, l'Afdhul Jalal, et comme aussi les ulama ont mentionné que Allah, ma'nahu dhul uluhiyya wal'ubudiyya ala khalqihi ajma'in wa ma'nahu huna al-ma'luh. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, la signification du mot Allah, c'est celui qui détient le droit exclusif à l'adoration sur toutes ses créatures. Dhul uluhiyya. Hein? Donc, ensuite, le Cheikh il explique, il dit que, donc, il mentionne d'autres points qui sont des points qui sont reliés à la grammaire arabe. Et donc, ces points-là, de les traduire, c'est quelque chose qui est un peu plus bénéfique pour les personnes qui sont arabophones, qui comprennent l'arabe. Sinon, de les traduire en français, c'est un peu moins bénéfique. Donc, le Cheikh, il explique ensuite le nom d'Allah, Ar-Rahman. Et Ar-Rahman fait partie d'un des noms qui sont particuliers, spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit d'appeler quelqu'un d'autre que Allah par le nom de Ar-Rahman. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Rahman. Et la signification de ce nom, c'est celui qui détient la miséricorde immense. Hein? Et Ar-Rahim, c'est un mot qui peut s'appliquer à Allah, un nom qui peut s'appliquer à Allah, et on peut également appeler une créature par ce nom-là, en disant qu'elle est Rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran en disant qu'il est bil mu'minina ra'ufun rahim. Donc on peut attribuer ce nom-là à une créature, mais uniquement sous la forme indéfinie, pas sous la forme absolue indéfinie. Et la signification de ce nom-là, dhur rahmatil wasila, yani Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il est Ar-Rahim, c'est celui qui touche de qui il veut par sa miséricorde. Il touche qui il veut par cette miséricorde. Et le tout miséricordieux, Ar-Rahman, celui qui possède la grande miséricorde, et yani Ar-Rahim, dhur rahmatil wasila, c'est-à-dire celui qui touche qui il veut de sa miséricorde. Certains ulama ont expliqué la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim de différentes façons. Certains ont mentionné que Ar-Rahman, c'est celui qui est miséricordieux pour toutes les créatures dans cette vie, qu'ils soient croyants ou mécréants. Donc toutes les créatures sont touchées par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Ar-Rahim, par contre, c'est le fait que Allah soit miséricordieux uniquement envers ses créatures. Hein? Et qu'il est que cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera spécifique aux croyants, yani dans l'au-delà. Hein? Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Il châtie qui il veut et il fait preuve de miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez retournés. Ensuite, le Cheikh il dit, en expliquant la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il dit que c'est parmi les choses les plus étonnantes et les signes les plus grands d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui indiquent la grande puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses, ces six fondements. Donc le cheikh il dit que ici le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a plusieurs livres qu'il a écrits qui sont des résumés de la science, et il les a écrits dans le but de faire comprendre aux communs des musulmans et aux étudiants de science certains des principes de la religion. Et dans cette risala, dans ce livre Al-Usul Sitta, il va parler de 6 fondements parmi les fondements de l'islam, et il les résume. Le premier fondement, c'est Al-Ikhlas, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, la pureté d'intention et la pureté dans l'adoration, c'est-à-dire le fait de rejeter tout ce qui est shirk, hein, et expliquer la réalité de la sincérité envers Allah dans l'adoration, le tawhid et ce qui s'y oppose comme exemple de shirk. Le deuxième fondement, c'est le fait que la religion de l'islam, c'est la religion de l'unité, la religion de l'union, et que c'est la religion également qui interdit la division. Donc la division, elle est interdite dans l'islam. Ça, c'est le deuxième fondement. Le troisième, c'est l'écoute et l'obéissance des responsables, des dirigeants musulmans. Et ça, ça fait partie des fondements et des principes de l'islam que beaucoup de musulmans ignorent malheureusement. Le quatrième fondement, c'est l'explication de qu'est-ce que c'est la science et qui sont les ulama et qu'est-ce que c'est le fiqh, la compréhension de la religion, et qui sont les fuqaha, et la distinction entre ceux qui sont réellement des ulama et ceux qui leur ressemblent mais qui ne font pas partie d'eux. Et le cinquième fondement, c'est l'explication de qui sont les awliya, qui sont les serviteurs rapprochés et pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sixième point, c'est yani la réfutation d'une shubha que le shaytan a établie et qui consiste finalement, dans sa conclusion, à délaisser et abandonner le Coran et la Sunna. On va élaborer ça plus en détail lorsqu'on va arriver à ce fondement-là, Inch'Allah. Donc, ces 6 fondements-là sont très importants, et on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à les comprendre et à les expliquer correctement, et à mettre sur eux des commentaires qui vont nous aider à les comprendre. Oui, je l'ai mentionné, le sixième. J'ai dit le sixième, c'est la réfutation d'une shubha que le shaytan a mis chez les gens et qui les amène à délaisser le Coran et la Sunna. Et on va voir, lorsqu'on va arriver à ce fondement-là, qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, pendant ce séminaire, étant donné qu'il y a 3 interventions pour cette risala? On va essayer de diviser pour chaque jour 2 fondements. Okay? Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire le premier et le deuxième, et Inch'Allah, demain, on va faire le troisième et le quatrième, et dimanche, on fera le... Wa alaykum salam wa rahmatullah. Dimanche, on fera le cinquième et le sixième, Inch'Allah, si on est capable de terminer. Donc, le fondement numéro 1, Ikhlasu d-dini lillahi ta'ala wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirk billah. Donc, le premier fondement, c'est le fait de purifier notre religion pour Allah et d'expliquer ce qui s'y oppose, comme les différentes formes de shirk qu'on peut faire avec Allah. Cheikh Mohammed ibn Salih, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit dans ce premier fondement que le fait de purifier notre religion pour Allah, lui seul, sans aucun partenaire, et d'expliquer ce qui s'y oppose, hein, et c'est le shirk, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et le fait que le Coran, la plupart du Coran, est venu pour clarifier ce fondement-là. Et ce principe-là, de différentes manières, hein, par des paroles que le plus simple du commun des hommes est capable de comprendre. Puis, Le cheikh dit que on voit que la plupart de la Umma est arrivée à un point où le shaitan leur a fait, est arrivé à leur faire croire que Al-Ikhlas, c'est en fait de dénigrer les hommes pieux et les gens vertueux et d'avoir un manquement vis-à-vis de leurs droits, et leur a fait paraître que le shirk avec Allah, c'est d'aimer les hommes pieux et de les suivre. C'est comme si en voulant dire que les gens, avec le temps, le shaitan a réussi à leur faire voir les choses à l'envers, à leur faire comprendre que le shirk, c'est le tawhid, et le tawhid, c'est le shirk. Donc quand on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais, quand il adore des hommes pieux et des morts, et qu'il adore des tombes, il dit, toi tu n'as pas de respect pour les hommes pieux, tu dénigres les hommes pieux, parce que tu ne veux pas les adorer en dehors d'Allah, tu ne veux pas faire le shirk avec eux. Puis quand tu leur parles du shirk, ils disent non, ça c'est pas le shirk, ça c'est le respect pour les hommes pieux, l'amour des hommes pieux et des gens vertueux et des saints. Donc c'est comme ça que le shaitan a réussi à tromper les gens et à les faire dévier de ce fondement là qui est al-ikhlas, ikhlasuddin lillah. Donc le shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin hafidhahullah, il explique. Il dit donc, Ikhlasuddin lillah, wahdahu la sharika lah. Et puis il explique en quoi ça consiste, à l'ikhlas. À l'ikhlas, le cheikh il dit, ça veut dire que la personne, lorsqu'elle fait ses adorations, elle les fait uniquement dans l'intention de se rapprocher d'Allah seul et dans le but d'arriver à obtenir le paradis. Et c'est-à-dire que le serviteur, il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité et avec pureté dans son intention, et il adore Allah avec sincérité et pureté dans son amour, et il adore Allah avec sincérité et pureté dans son respect et la façon dont il exalte Allah subhanahu wa ta'ala. Et il purifie également Allah subhanahu wa ta'ala de façon apparente et de façon cachée. C'est-à-dire qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qu'il montre et qu'est-ce qui est intérieur. C'est-à-dire dans ses paroles, dans ses actions et dans ses intentions. Et donc, il ne cherche par son adoration d'Allah rien d'autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'obtenir ou d'arriver au paradis et la demeure de sa grâce et de sa générosité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا. Donc le cheikh il mentionne un nombre de versets qui résume la signification de la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit par exemple que dis au Muhammad, certes ma salat, ma prière, mon nusuk, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. La sharika lahu, il n'a pas de partenaire. Et c'est cela qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Je suis le premier des musulmans. Et la parole d'Allah, et ça c'est les versets 162-163 dans Surat Al-An'am. Les versets 54 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et repentez-vous sincèrement à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, c'est-à-dire soumettez-vous à lui seul. Et le verset 163 dans Surat al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid, et votre divinité est une divinité unique, et rien ne mérite d'être adoré excepté lui, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le verset 34 dans Surat Al-Hajj, et votre divinité est une divinité unique, et c'est à lui que vous devez vous soumettre. C'est à lui seul que vous devez vous soumettre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers qu'il a envoyés à l'humanité pour ce but-là, pour cet objectif-là, c'est-à-dire pour établir l'adoration d'Allah seul et pour renier et rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 25 dans Sourate Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Et nous n'avons envoyé de messager avant toi que pour qu'il et nous n'avons envoyé avant toi de messager excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi, c'est-à-dire adorez-moi seul, et n'adorez rien d'autre que moi. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a également clarifié, il a clarifié cela dans son livre, comme l'auteur le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il le dit, min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladu al-amma. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ça de manière diverse dans sa parole, dans son livre, de manière à ce que la personne la plus simple, du commun des musulmans, du commun des hommes, soit capable de le comprendre par des termes simples, des termes que tout le monde sont capables de comprendre. Et il dit également, le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a clarifié cette signification-là du tawhid et de l'ikhlas. Il dit, il a été également rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu justement pour purifier le tawhid et pour expliquer la purification du tawhid et comment on nettoie notre tawhid de tout ce qui peut venir le diminuer ou le rendre impur ou le venir soit le détruire ou soit le salir ou le diminuer ou peu importe qu'est-ce qui peut l'affecter de façon négative. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué tout ça et il a fermé toutes les portes par lesquelles il pourrait y parvenir ou atteindre son tawhid, ton tawhid pourrait être atteint par quelque chose qui pourrait l'affaiblir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé toutes les portes qui pourraient amener quelque chose qui viendrait raffaiblir ce tawhid. Et comme exemple, on voit qu'il y a même un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit, il lui a dit, « Ma sha'Allah wa sha'ta » ce que Allah a voulu, et toi, ce que Allah veut et ce que tu veux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu fais de moi un égal avec Allah? Dis ce que Allah lui seul a voulu. Ne viens pas me mettre à égalité dans la volonté avec Allah subhanahu wa ta'ala en disant ce que Allah a voulu et moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a laissé aucune chance à toute ambiguïté de s'introduire dans la croyance des gens. Même si c'était des paroles qui avaient été mentionnées ou avaient été dites sans mauvaise intention de la part de la personne qui l'avait mentionné, mais pour fermer la porte à tout ce qui pouvait atteindre le tawhid et venir l'affaiblir ou le diminuer, il venait tout de suite clarifier. Et donc il a dit, ne dis pas ce que Allah a voulu et moi. Je suis un être humain. C'est la volonté d'Allah qui a le dessus sur la volonté de quiconque. Et donc tu ne peux pas me mettre à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. Donc dis plutôt ce que Allah a voulu lui seul. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également, donc il dit, on voit dans ce hadith comment il a condamné, il a critiqué, réprimandé la personne qui voulait faire une égalité entre la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la volonté d'Allah, en utilisant le « waou », la conjonction « et » en français. entre la volonté d'Allah et la sienne. Et il a fait de ça, ou il a rendu ça équivalent à donner à Allah un égal. Hein? Donc le cheikh il a dit ensuite, et parmi les exemples de ça, c'est-à-dire les exemples de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé la porte à tout ce qui peut atteindre ou affaiblir le tawhid d'une personne, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à quelqu'un de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et il a considéré que cela faisait partie du shirk avec Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: man halafa bi ghayrillahi faqad kafara aw ashrak. Celui qui a fait, hein, qui a juré par autre que Allah, il a commis du kufr ou du shirk. Hein? Et donc ça c'est important. Et malheureusement on voit que beaucoup de musulmans qui n'ont pas appris leur religion correctement, qui n'ont pas étudié les fondements du tawhid, ils ont l'habitude de jurer par autre chose que Allah. Et ils font du shirk sans même le savoir. Comme par exemple, ils jurent par la tête de leurs parents, ils jurent par n'importe quelle autre chose comme ça, en dehors d'Allah, et ça, tout ça c'est interdit. Hein, parce que le fait de jurer par autre que Allah, c'est une forme de respect qu'on donne à la chose par laquelle on jure. Et personne ne mérite ce respect-là, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et également, il y a une délégation qui était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont dit: ô messager d'Allah, tu es le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous, et notre chef est le fils de notre chef, notre maître, le fils de notre maître. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les hommes, dites votre parole, mais ne laissez pas le shaitan avancer dans ce genre de propos. Je suis le messager d'Allah, je suis le serviteur d'Allah et son messager, et je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus du degré dans lequel Allah m'a placé. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas qu'on le glorifie. Hein? Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a dit « Anta sayyiduna wa ibn sayyidina » c'est notre chef, notre maître, le fils de notre maître, il a dit As-Sayyidullah, c'est Allah qui est le maître. Hein? Donc, dites ce que vous dites, mais n'exagérez pas. Ne laissez pas le shaitan vous amener à tomber dans l'exagération et à m'élever à un degré plus élevé que celui dans lequel Allah m'a placé. Et c'est comme il dit également dans un autre hadith, n'exagérez pas à mon sujet dans la glorification. Comme les chrétiens, ont exagéré à propos de Jésus, fils de Marie, je ne suis que le serviteur d'Allah et son messager. Alors dites, serviteur d'Allah et son messager. Donc, tout ça pour éviter que les gens tombent dans al-ghulou, que les gens tombent dans l'exagération à son sujet par la suite et commencent malheureusement à faire des actes qui dépassent les limites et qui tombe dans le shirk même, avec la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le shirk également que l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Kitab al-Tawhid, il a écrit un chapitre qui s'intitule Bab ma ja'a fi himayati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam hima al-Tawhid wa saddihi turuq al-Shirk. C'est-à-dire le chapitre dans lequel il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il a protégé les barrières et les limites du tawhid. Et il a fermé toutes les portes qui pouvaient amener à tomber dans le shirk. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même si quelque chose, il n'est pas nécessairement shirk en lui-même, c'est pas une forme de shirk akbar qui fait sortir de l'islam, mais si c'est quelque chose qui amène à tomber dans le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit pour justement faire en sorte de protéger les alentours du tawhid et les barrières du tawhid. Donc, ce n'est pas juste d'interdire le shirk, mais d'interdire tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Et comme les exemples de qu'est-ce qu'on vient de mentionner, celui qui dit « Masha'Allah wa shi'at » ou qui a dit, par exemple, l'autre exemple qu'on a donné de jurer par autre que Allah, ça c'est des exemples de shirk asrar, c'est des exemples de shirk mineur. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits de façon stricte pour éviter que des gens, à partir de ce point-là, tombent dans des formes de shirk plus graves par la suite. D'accord ? Et donc, le shaykh, il continue en disant, donc, le shaykh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a, dans son livre Kitab al-Tawhid, il a mis un chapitre à ce sujet-là. Hein? Et ça, ça s'applique à plusieurs principes dans la religion. Ce n'est pas seulement à propos du shirk et du tawhid. Bien entendu, le tawhid, c'est le plus important dans l'islam. Parce que c'est le fondement principal, la base. Hein? Mais ça s'applique aussi au halal et au haram. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce qui est haram qui est interdit, mais c'est ce qui amène au haram qui est aussi interdit. Et la même chose s'applique à la bid'a. C'est pas seulement la bid'a qui est interdite, mais tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans la bid'a, eh bien, ça devient ça aussi interdit. Donc, c'est pour protéger les limites du tawhid. Et le shaykh, il dit ensuite, de même que Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié donc al-ikhlas, et il a rendu son explication apparente. Il a clarifié ce qui s'y oppose, le shirk. Il n'a pas seulement expliqué le tawhid seulement, il a expliqué le tawhid, il a expliqué ce qui s'y oppose, le contraire, c'est-à-dire le shirk. Et il mentionne le verset 116 dans surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Ce verset-là, c'est très important de le connaître, parce que c'est un verset qui nous aide à comprendre un grand fondement de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie « Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe une chose quelconque avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut tout ce qui est moindre comme péché que le shirk. Tout ce qui est un péché moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Mais le shirk, si tu meurs sur le shirk avant, et tu ne te repens pas avant de mourir, eh bien, c'est l'enfer éternel. Hein? Le shaykh, il dit ensuite un autre verset, le verset 36 dans Surat An-Nisa, « وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » C'est-à-dire, adorer Allah seul et n'associer rien avec lui. Faites pas de shirk en associant quoi que ce soit avec lui. Donc, ce n'est pas certaines choses en particulier que si tu les adores en dehors d'Allah, ce sera du shirk, mais si tu adores d'autres, ce ne sera pas le shirk. C'est pas certaines, comme par exemple certaines personnes qui s'imaginent peut-être, mais si c'est une idole, si tu adores une idole en dehors d'Allah, ça c'est du shirk, mais si tu adores autre chose qu'une idole, ça c'est pas du shirk. Non, tout ce que tu adores en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que ça peut être, c'est du shirk. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا شَيْئًا, ça c'est indéfini. Et ça veut dire que c'est général. Tout ce que tu peux associer avec Allah, c'est du shirk. Il cite un autre verset également, qui est le verset 36 dans Sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. C'est-à-dire, ce qui signifie, nous avons envoyé dans chaque nation un messager leur disant adorez Allah seul et écartez-vous du tarout. Écartez-vous du tarout. Et le tarout, c'est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah. C'est le shaitan et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça le tarout. Ensuite, le shaykh, il cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله أو ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم من حديث جابر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui rencontre Allah en associant quoi que ce soit avec lui, il entrera en enfer. Et celui qui rencontre Allah en faisant le shirk et en associant avec lui quoi que ce soit, alors il entrera en enfer. C'est rapporté par Muslim selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Et le shirk, il est de deux catégories. Le shirk, il est de deux catégories. النوع الأول شرك أكبر يخرج مخرج من الملة وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافة مطلقة. Donc le cheikh dit que le tawhid, pardon, le shirk se divise en deux catégories. La première catégorie du shirk, c'est le shirk majeur, qui fait sortir de la religion complètement, qui fait que lorsque tu commets cette forme de shirk, tu deviens mushrik kafir, tu sors de l'islam. Et le cheikh, il dit que c'est toute forme de shirk que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de façon absolue et qui vient en opposition totale avec le tawhid. Hein? Comme le fait d'offrir une chose quelconque, une forme quelconque d'adoration à autre que Allah. Le fait d'offrir une forme quelconque d'adoration à autre que Allah. Comme par exemple, tu fais la salat pour autre que Allah. Ou bien tu sacrifies un animal pour autre que Allah. Où tu fais un vœu pieux pour autre que Allah, tu invoques autre que Allah dans tes doigts, tu demandes à autre que Allah, tu demandes à quelqu'un qui est enterré dans sa tombe, tu demandes à quelqu'un qui est absent, hein, qui est dans une autre place, qui ne peut pas t'entendre, tu l'invoques, tu lui demandes de t'aider, alors qu'il ne peut pas t'entendre et qu'il ne peut pas savoir ta situation. Et tu lui demandes de venir te sauver d'un malheur quelconque. Hein, alors qu'il n'est pas capable de venir. Personne qui peut te sauver dans une situation pareille, excepté quelqu'un qui est présent. Hein? Alors, ça fait partie du shirk. Et donc, ça c'est parmi les différentes formes de shirk majeures qui sont connues, hein? Et au sujet desquelles les savants ont écrit dans leurs livres. La deuxième catégorie de shirk, c'est la forme de shirk mineur. Hein? Shirk al-asrar. Et le cheikh, il dit, c'est toute action, parole, hein, action ou parole qui est mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, et qui décrive quelque chose comme étant shirk, et qui décrive quelque chose comme étant shirk, sauf que cette chose en question ne vient pas en opposition absolue et totale avec le tawhid. Comme par exemple, le fait de jurer par autre que Allah. Hein, la personne qui jure par autre que Allah, elle ne croit pas nécessairement, elle ne croit pas nécessairement que la personne par qui elle jure en dehors d'Allah possède la grandeur d'Allah. Hein? Quand elle jure par autre que Allah, elle ne possède pas nécessairement. Quand il jure par autre qu'Allah, comme par exemple quelqu'un qui jure par son père ou par sa mère, quand il jure par son père ou par sa mère, il ne donne pas à son père ou à sa mère le même respect que celui qui est offert à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Mais si la personne serait en train de jurer par quelque chose d'autre qu'Allah et qu'elle croit que la chose par laquelle elle jure en dehors d'Allah possède le même respect que celui qui revient à Allah seul, alors là, dans ce cas-là, ça deviendrait une forme de shirk majeur quand même. Comme par exemple les chrétiens ou les idolâtres qui jurent par la chose qu'ils adorent ou par leurs idoles ou par leur divinité. Quand ils jurent par ces choses-là, si le chrétien qui jure par Jésus par exemple, lui, il considère que le respect qui est dû à Jésus, c'est le même que celui qui est dû à Allah. Alors, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk majeur. Mais si quelqu'un parmi les musulmans jure par son père ou par quelque chose, hein, parmi les créatures, et que ce n'est pas quelque chose qu'il a un respect pour comme, et qu'il considère être équivalent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineure et non une forme de shirk majeure. Mais il ne faut pas dire, par exemple, comme certains, « Ah, mais si c'est une forme de shirk mineure, donc ce n'est pas grave. » Non, c'est quand même très grave. Parce que ces formes de shirk-là, qui sont mineures, hein, elles sont plus grandes en gravité, elles sont plus dangereuses que les grands péchés, que les kaba'ir. Et en même temps aussi, elles peuvent amener quelqu'un à tomber dans une forme de shirk majeure plus tard. Également, donc, le shaykh dit comme ar-riya. Ar-riya, l'ostentation, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, il fait un acte religieux, mais il ne le fait pas pour Allah. Il le fait parce qu'il veut se faire glorifier par les hommes. Il veut se faire remarquer. Hein? Donc celui qui souffre de cette maladie, hein, de ce problème qu'on appelle riya, eh bien, ça annule la validité de ses œuvres. Et ça, c'est une forme de shirk mineur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, « Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. » Et on lui a posé la question, فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ الرِّيَا. Donc on a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais parce que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La chose que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » Et donc il a dit, ils lui ont posé la question, qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est ar-riya, l'ostentation. Hein, ar-riya, le fait de se faire voir. Et il dit, le cheikh, que c'est possible que le riya atteigne le niveau de shirk majeur parfois aussi. Hein? Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a expliqué que le shirk mineur, hein, c'est quand quelqu'un il a un petit peu de riya. Un petit peu d'ostentation seulement. Mais ça prouve que si quelqu'un il a beaucoup de riya, que là, ça peut même atteindre une forme de shirk qui est majeure. OK? Hein? C'est comme si quelqu'un il fait que du riya dans toutes ses actions, tout le temps. Ou il fait que pour les autres que Allah, quand il fait des œuvres. Que pour le riya, ça peut devenir du shirk majeur dans ce cas-là. Le mu'min, le croyant, il peut être affecté parfois par des formes de riya qui peuvent venir par exemple pendant qu'il fait sa salat, pendant qu'il fait un acte de piété, de bien. Mais le croyant, il ne laisse pas le riya continuer avec lui dans son cœur. Il le repousse, hein? Il essaie de s'en débarrasser et de se concentrer sur la sincérité avec Allah et de concentrer son cœur sur son intention et de se rappeler que c'est pour Allah qu'il fait les choses, pas pour les créatures. D'accord? Tandis que celui qui n'a pas d'intérêt pour ça, hein, il fait, comme le munafiq par exemple, il fait les actions uniquement pour les gens, pour se faire voir. Mais il ne croit pas en Allah, il ne croit pas en l'islam. Il fait ça juste pour montrer. Ça me rappelle une vidéo, il y a un frère qui m'a envoyé ça il y a quelques jours. C'est quelqu'un qui était dans la mosquée qui vole, qui vient pour voler. Je ne sais pas si c'est un musulman ou si ce n'est pas un musulman. Mais il rentre et la caméra l'a filmé en train de voler dans les manteaux des gens pendant la salat. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il reste dans l'arrière. Puis quand il voit des gens qui rentrent, il se met dans le recours pour montrer aux gens qu'il est en train de prier. Alors que les gens sont debout, lui il est dans le recours. Et après, quand la personne rentre dans les rangs pour continuer, pour faire sa prière avec tout le monde, lui il retourne pour continuer à voler. Allah al-Musta'an. Donc celui-là, quand il fait ça, est-ce qu'il fait ça pour Allah? Jamais de la vie. Il ne prie pas, il fait pas la prière, là. Même, il ne fait même pas les choses selon les règles. Hein? Donc ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui fait ses actions uniquement pour, comme un munafiq, hein, comme un hypocrite. Allah musta'an. Il dit, وَقَدْ ذَهَبَ. Donc il y a certains parmi les hommes de science qui ont mentionné que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 116 dans Sourate An-Nisa qu'il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, que ça, ça comprend toutes les formes de shirk, même les formes de shirk qui sont mineures aussi. Donc ça veut dire qu'il est obligatoire dans ce cas-là de faire attention, de prendre nos gardes vis-à-vis du shirk, parce que les conséquences sont mauvaises, sont graves. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à ce sujet, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Il dit, certes, celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui interdira le paradis et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Après, le cheikh il dit, si le paradis a été interdit aux mouchriks, cela implique qu'il va y demeurer de manière éternelle, pour y rester pour toujours. Donc le mouchrik, celui qui est associé avec Allah, il a perdu son au-delà, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein? Parce qu'il est dans le feu de l'enfer éternel. Il a perdu également sa dunya, parce que la preuve a été établie contre lui. Hein? Et les avertisseurs lui sont venus, hein? Mais il a perdu. Il n'a pas profité de sa dunya en quoi que ce soit. Souvent les gens, ils pensent que profiter de la dunya, c'est d'avoir beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Mais ce n'est pas ça la réalité. Profiter de la dunya, ça veut dire que tu profites de la dunya du fait que tu as cru en le message des messagers et tu as obéi à Allah et tu t'es écarté de sa désobéissance. Tu as cru en ce qu'il t'a ordonné de croire. Ça, c'est profiter. Mais sinon, si tu n'as pas été croyant, tu n'as pas réellement profité dans ce cas-là. Et il cite ensuite un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Dit: certes, les grands perdants sont ceux qui ont perdu leur propre âme ainsi que leur famille au jour de la résurrection. Hein? Certes, cela est la perte la plus évidente. Hein? Donc, il a perdu sa propre personne parce qu'il n'a pas profité en quoi que ce soit de qu'est-ce qui était bénéfique dans cette vie pour lui, et ça l'a amené à tomber dans l'enfer, hein, par la suite dans l'au-delà. Donc il a perdu également sa famille. Pourquoi? Parce que s'ils sont croyants, ils vont dans le paradis, tandis que lui, il va en enfer, il ne va pas être avec sa famille, hein. Et donc il ne pourra pas profiter de se réjouir avec eux. Et si ils sont dans l'enfer, c'est la même chose, hein? Il ne va pas jouir de sa famille, il ne va pas profiter d'eux non plus, puisque dans l'enfer tout le monde se maudit les uns les autres, dans l'enfer tout le monde s'accuse les uns les autres, dans l'enfer tout le monde se jette des insultes et des accusations les uns les autres, hein? C'est ta faute, c'est toi qui nous as mis ici. Hein? Et les autres disent, non, c'est toi le responsable. Et ils s'insultent et ils se maudissent les uns les autres dans l'enfer. Et le cheikh il dit, sache que le shirk est très subtil, très caché. Il est difficile à le trouver parfois. Il n'est pas visible. Ce n'est pas quelque chose parfois que c'est facile à voir. Et même que yani Ibrahim alayhi salam al-Khalil, il a eu peur même du shirk et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'en écarter, lui ainsi que ses enfants. Hein? Il a dit وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Écarte-moi et mes enfants de l'adoration des idoles. Et si tu réfléchis sur ça ici, il a dit le cheikh, Allah il a dit وَجْنُبْنِي, il n'a pas dit وَمْنَعْنِي. Et la différence entre les deux, c'est que اجنبني, c'est-à-dire mets-moi à l'écart de l'adoration des idoles, c'est plus fort que de dire empêche-moi seulement, hein? Parce que ça veut dire éloigne-moi, mets-moi loin du shirk. Donc c'est encore plus que de lui interdire de ça ou de l'empêcher de le faire. Et il dit la parole de Ibn Abi Mulaika, il dit j'ai rencontré 30 parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie, du nifaq pour eux-mêmes. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a dit à Hudayfa ibn al-Yaman, je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a cité mon nom parmi le nom des hypocrites? Hein? Alors qu'il fait partie de ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme faisant partie des gens qui sont promis au paradis. Et malgré tout, il avait peur. Hein? Il avait peur. Et non. Donc c'est pour dire, yani, subhanallah, on n'est jamais à l'abri et on ne doit jamais se sentir à l'abri de l'hypocrisie. Et même que les ulama, ils disent, nul ne se sent à l'abri de l'hypocrisie, excepté l'hypocrite. Hein? Donc, il n'y a personne qui a peur de l'hypocrisie, du nifaq, excepté un croyant. Et donc, le serviteur d'Allah, il doit faire tout son effort pour être sur la sincérité, sur l'ikhlas, et lutter contre son âme pour rester ferme sur l'ikhlas. Certains d'entre les salafs ont dit, je n'ai jamais lutté contre mon âme dans quelque chose plus que j'ai lutté mon âme pour qu'elle reste sur la sincérité et à l'ikhlas. Hein? Donc, le cheikh il explique, il dit, le shirk, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pas quelque chose qu'on peut dénigrer. Et il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala le facilite pour son serviteur. Quand il est sincère, quand il cherche à l'ikhlas, Allah lui facilite à l'ikhlas. Hein? Et il adore Allah comme si Allah était devant ses yeux. Hein? Et tout ce qu'il fait comme action, il l'a fait uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui complète le premier parmi les 6 fondements, les 6 usul. On commence maintenant à l'aslu thani. L'aslu thani, wujubu l'ijtima' ala al-haq wal-nahyu an al-tafarruq fihi. L'aslu thani, le deuxième fondement, c'est l'obligation de se réunir sur la vérité et l'interdiction de se diviser sur la vérité. Et ça, c'est quelque chose, il est important de le mentionner en commençant, parce que beaucoup de musulmans, malheureusement, pensent que le fait d'être unis, c'est quelque chose qui est uniquement mustahab, hein? Quelque chose qui est recommandé. C'est bien d'être unis, hein? C'est recommandé. Non, c'est pas recommandé, c'est obligatoire, c'est wajib, c'est un ordre d'Allah, c'est un ordre divin. Allah nous a ordonné de nous unir sur la vérité. Ça veut dire quoi? Que si on ne s'unit pas sur la vérité, on est dans le péché. On est dans la désobéissance d'Allah. Et de se diviser, c'est pas quelque chose qui est seulement détestable ou makruh. C'est quelque chose qui est haram, qui est interdit. C'est une interdiction, ça fait partie des péchés. Et des grands péchés. Mais pourtant, on dirait que pour certains musulmans, c'est juste quelque chose de secondaire. C'est pas important pour eux. Qu'on soit unis ou non, c'est pas grave. A'udhu billah. Comment on peut avoir cette mentalité-là, cette idéologie-là? Hein? Il y en a qui ont cette idée, chacun pour soi. Hein? Eux, ils croient en ça, moi je suis pas d'accord avec eux, ça finit là. Non, c'est pas comme ça. C'est obligatoire d'être uni sur la vérité. Donc tu ne peux pas prendre ça à la légère comme ça. Penser que chacun peut croire en qu'est-ce qu'il veut, dire qu'est-ce qu'il veut, penser comme il veut, que ça finit là. Hein? Et c'est triste parce que souvent on voit ça. Quand on appelle les gens, on dit venez vers le Coran, venez vers la Sunna, venez vers la compréhension des salafs. Et eux ils disent ah écoute, chacun on a notre propre point de vue, vous avez votre point de vue, chacun il a son point de vue, et ça finit là. Hein? Ça c'est pas correct. Où est-ce qu'il est l'unité? Ou bien il y en a d'autres, ils ont une autre attitude, Ils veulent se nier à tout prix. À tout prix, ça veut dire que ce soit sur la vérité ou que ce soit sur le faux, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Et ça aussi, ça sert à rien. Le but de s'unir, c'est pas juste d'être physiquement réunis ou de dire on est ensemble. Non. Le but de s'unir, c'est de s'unir ensemble, mais sur la vérité, sur le haqq, sur le Coran, le sunnah, sur la compréhension de nos salaf al-salih. Ça, c'est la vraie union, la vérité. Mais si on s'unit sur n'importe quoi, puis après on dit, ah ben alhamdoulilah, on est unis, ça c'est batil. Hein? Et donc, on va commencer donc à expliquer le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Qu'est-ce qu'il dit dans ce fondement-là? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de s'unir dans la religion. Et il a interdit de se diviser dans la religion. Et il a expliqué cela d'une façon claire, hein, que tout le commun des musulmans est capable de comprendre. Et il nous a interdit d'être comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé avant nous et qui ont péri à cause de ça. Et il nous a mentionné, hein, qu'il a ordonné aux musulmans de s'unir dans la religion et leur a interdit de se diviser. Et il dit, ce qui est mentionné dans la sunna, eh bien ça ajoute encore plus de clarification et plus de clarté à cet ordre-là. Et parmi les choses les plus étonnantes qu'on peut remarquer à ce sujet-là, c'est qu'on voit que le fait d'appeler, d'ordonner, hein, il est sorti l'amour, il a un l'iftira fi usul al-din wa furu'ihi huwa al-'ilm wa al-fiqh fi al-din. C'est devenu le contraire maintenant. Donc c'est ça que le cheikh il explique, c'est que dans chacun de ces fondements-là, les choses qui ont été établies par Allah dans le Coran et dans la Sunna, aujourd'hui, c'est perçu par les gens comme si c'est le contraire qui est ordonné. Le contraire de ce que Allah a dit dans le Coran et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna, c'est ça ce qu'il voit, c'est ça ce qu'il pense être correct. Donc aujourd'hui, le cheikh il dit, les gens sont arrivés à croire que, hein, de se diviser dans les fondements de la religion et dans les différentes branches de la science, que c'est ça la science et c'est ça la compréhension de la religion, et c'est rendu que maintenant, de se réunir dans la religion, personne ne le dit et personne n'appelle à cela excepté l'hérétique ou le fou. Allah al-Musta'an, hein? Tu dis à des gens maintenant aujourd'hui, hein, il faut s'unir sur la vérité. Il faut s'unir. Hein? Si on prend juste par exemple les musulmans ici à Montréal, juste à Montréal, on dit aux musulmans, il faut s'unir tous ensemble. On va tous se mettre d'accord sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs dans l'aqida et dans le manhaj. Est-ce que vous êtes d'accord? Et vous voyez les réactions. Et vous voyez les réactions des gens. Est-ce que vous êtes d'accord d'établir votre mosquée, votre centre islamique sur le Coran et la Sunna et sur la compréhension des salafs dans l'aqida et dans le manhaj et dans l'ibadat, dans l'usul, dans tous les principes de la religion, et qu'on va tous s'unir sur ça, et tu vois la réalité des choses qui apparaissent maintenant. Les gens, ils veulent pas ça. Chacun, il veut suivre sa passion. Hein? Allah al-Musta'an. Et c'est pour ça qu'il y a de la division. Mais cette division-là, elle est détestable, elle est mauvaise, elle est interdite. Hein? Et le cheikh, il explique, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné cette usul, ce fondement, cet asl, et maintenant il explique le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, point par point, la signification de ça. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de se réunir et d'être unis dans la religion, il a interdit de se diviser. Et ça c'est le deuxième fondement parmi les six fondements que le cheikh ici il a expliqué, c'est de se réunir dans la religion et l'interdiction de se diviser dans la religion. Et ça c'est un des grands fondements qui a été établi par le Coran et par la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et par les actions des sahaba et de nos pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala. Et il donne comme exemple le verset 102 à 103 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraku. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Donc les versets que le cheikh il a cité, on va les traduire maintenant. Il a cité le verset dans lequel le verset dans sourate Al-Imran 102 et 103. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint. Ou bien plutôt, cherchez protection en Allah contre son châtiment, comme il mérite que vous cherchiez protection contre lui. Et ne mourrez qu'en étant en état de soumission, en étant musulman. Et accrochez-vous et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et cramponnez-vous tous. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Il n'a pas dit yani ba'dukum. Il n'a pas dit certains d'entre vous, cramponnez-vous au câble d'Allah et les autres non. Il a dit jami'an, c'est-à-dire vous tous, cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et le câble d'Allah, les ulama ils l'ont expliqué de différentes façons. Ils ont expliqué que c'est le Coran, le câble d'Allah, ils ont dit que c'est le messager d'Allah, que c'est la sunna, et ainsi de suite. Donc, toutes ces différentes explications sont bonnes. Le câble d'Allah, c'est la vérité. Donc, cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Voilà tafarraqu. Soyez pas divisés. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis, avant l'islam. Quand ils étaient des mushrikins, quand ils adoraient autre qu'Allah, ils se détestaient, ils se combattaient les uns les autres. Al-Aws wa al-Khazraj. Deux tribus à Médine, Al-Aws et Al-Khazraj. Ils faisaient la guerre pendant des années, l'une contre l'autre, pour des raisons futiles. Pendant des années, pour rien. Et l'islam est venu, et Allah il dit ça dans le verset, il dit: souvenez-vous lorsque vous étiez des ennemis, que Allah a réuni entre vos cœurs par l'islam, par le tawhid, par la foi, et que vous êtes devenus par sa grâce des frères, à cause de la foi en l'islam, et que vous étiez au bord d'un gouffre croulant de l'enfer, et Allah vous en a sauvés. Et c'est ainsi qu'Allah clarifie pour vous ces signes pour que vous puissiez être guidés. Et il dit: et ne soyez pas comme ceux qui se sont, dans le verset 105, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. Et ceux-là auront un châtiment immense. Et le verset 46 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Et ne divergez pas, soyez pas, ne vous disputez pas ou ne divergez pas entre vous, car vous allez échouer et vous allez perdre votre force. Vous allez perdre votre force. Et il dit également: wa qala ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 59 dans sourate Al-An'am ce qui signifie: et ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'as rien à faire avec ceux-là. Et le verset 13 dans Sourate Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: il a légiféré pour vous comme religion ce qu'il a enjoint à son prophète Nuh, et ce que nous avons fait descendre sur toi, ô Muhammad, et ce que nous avons enjoint également à Ibrahim, à Moussa et à Isa, c'est-à-dire d'établir la religion et de ne pas vous diviser à son sujet. Hein? De ne pas vous diviser à son sujet. Donc se diviser dans la religion, c'est interdit. Et quand on dit se diviser dans la religion, se diviser dans le tawhid, se diviser dans l'aqidah, se diviser dans les usul, dans les fondements sur lesquels tous les sahabas étaient d'accord. Aucun d'entre eux n'a divergé dans ça. Et aujourd'hui, tu trouves des musulmans qui disent, hein, non, mais ça c'est yani, la diversité. Hein, ça c'est une expression de la diversité de la umma. Il faut accepter les différences. C'est un symbole de la diversité. Yani, toutes sortes de termes qu'ils utilisent. Yani, pour essayer de faire croire que la division c'est quelque chose de bon. Et que le fait qu'il y ait des firaq, hein, le fait qu'il y ait des firaq, ça c'est correct. A'udhu billah. Les sahaba, est-ce qu'ils étaient divisés en différentes sectes? Jamais de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés, ils étaient comme un seul cœur, sur une seule aqida. Hein? Ils n'ont jamais connu les bid'ah, ils n'ont jamais pratiqué des innovations, jamais. Ni dans l'aqida, ni dans les ibadat, ni dans rien. Ils n'ont fait que suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc le cheikh il explique, il dit que dans ces versets, hein, on voit que Allah interdit la division. Et il explique, hein, les conséquences de cette division sur l'individu, sur la société et sur la umma au complet. Et il dit, en ce qui concerne les preuves de la sunna, parce que là on a mentionné des versets dans le Coran, hein, c'est ça, il y en a qui appellent la diversité le pluralisme, il y en a qui appellent ça le pluralisme. Allah al-musta'an, il dit le pluralisme musulman ou islamique. Allah al-musta'an. Donc c'est des manières d'essayer d'utiliser des termes pour enjoliver le faux. Tazyin al-batil. Tazyin al-batil en arabe on dit. Enjoliver le faux. Et faire croire aux gens que le faux est bien, est beau. Hein? Quand tu entends ça, tu dis, ah, le pluralisme, c'est joli comme mot. Mais c'est batil. Tout ce qui est dedans, il n'y a rien de vrai. Hein? C'est contraire au Coran et à la Sunna et à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et donc le Cheikh il dit, wa amma, donc en ce qui concerne les preuves de la Sunna, les preuves de la Sunna, au sujet de ça, il y en a beaucoup. Et le Cheikh, les versets, on ne les a même pas tous mentionnés. Et les hadiths, il en mentionne quelques-uns, et il y en a plein d'autres aussi qu'il n'a même pas mentionné à ce sujet-là, au sujet de rester unis et de ne pas se diviser. Donc le Cheikh il dit, parmi les preuves dans la sunna de ce fondement, il y en a très important, il y a ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhulu wa la yahqiru at-taqwa hahuna ushiru ila sadrihi bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa 'irduhu wa maluhu. وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله عنه: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا تقارب بينهم إذا تباعدوا. نعم. Donc le cheikh il explique, il dit, en ce qui concerne les preuves de la sunna, il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith dans lequel il dit: le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas, la piété est ici, la piété est ici, la piété est ici. Il pointe sa poitrine en disant, voulant dire son cœur. C'est ici qu'est la base de la piété. Hein? Et il dit, il suffit comme péché, il suffit comme mal pour une personne qu'il méprise son frère musulman. C'est-à-dire, si un musulman, il méprise un autre musulman, qu'est-ce que ça veut dire mépriser? Yahqir. Yahqir. Yahqiruhu. Ihtiqar. C'est-à-dire, il le méprise, il le voit plus bas, il le dénigre, il le voit en dessous de lui. Hein? Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, c'est suffisant comme mal pour un musulman. C'est-à-dire, s'il a fait ça, ça lui suffit comme mal. Il peut pas, yani, c'est tellement grave que ça lui suffit, yani, de mépriser un autre musulman. T'es un musulman, t'as pas le droit de mépriser ton frère, t'as pas le droit. Hein? Et il dit, tout ce qui est dans le musulman est sacré pour un autre musulman. Tout ce qui est sur le musulman, c'est sacré pour un autre musulman. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de l'atteindre. Sa personne, son honneur, et ses biens, sacré. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de toucher, c'est haram. Hein? Kullu al-muslimi ala al-muslimi haram. Le musulman, il est haram pour le musulman, ça veut dire qu'il est sacré pour l'autre musulman. Son honneur est sacré. Ses biens sont sacrés. Sa personne est sacrée. Tu dois la respecter. Et même dans le hadith, dans l'autre hadith, le prophète s'en souvient, dit c'est plus sacré que le jour dans lequel on est, l'endroit dans lequel on est et le mois dans lequel on est. C'est-à-dire c'est plus sacré que la Mecque, c'est plus sacré que le jour de Arafat, c'est plus sacré que le mois de Dhul Hijjah. C'est plus le musulman, il est plus sacré pour le musulman que ça. Hein? Malgré tout, des fois, tu vois, quelqu'un il se permet de porter atteinte à l'honneur de son frère, d'attaquer son honneur, d'attaquer sa vie. Hein? Quand les khawarij qui tuent des innocents, comme si c'était des mouches, et ça ne les dérange même pas de tuer des gens, hein? Ils font couler le sang des musulmans, hommes, femmes, enfants, vieillards, et puis ils disent, hein, ils sont musulmans, ils disent qu'ils sont sur l'islam. Où est-ce qu'il est l'honneur du musulman? Où est-ce qu'il est le respect de ce qui est sacré? Hein? Et dans d'autres riwayats de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tahasadu, soyez pas jaloux les uns des autres. La tabaradu, ne vous détestez pas les uns des autres. La tajassassu wa la tahassassu. » Yani, ne faites pas de l'espionnage les uns des autres. Hein? La tajassus, tu espionnes les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Tahassus, tu écoutes, hein, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Tu ne dois pas faire ça. At-tanajush, hein, si par exemple des gens ils sont en train d'acheter quelque chose, hein, ils font une vente aux enchères ou quelque chose, toi tu fais monter le prix, même si ton intention ce n'est pas de l'acheter, juste parce que tu veux faire monter le prix pour l'autre. Tu n'as pas le droit de faire ça. Hein? At-tanajush. وكونوا عباد الله إخوانا. Soyez des frères. Soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Dans une autre narration, il dit ولا تقاطعوا. Ne vous coupez pas les uns les autres. ولا تدابروا. Ne vous tournez pas les deux, hein, le dos l'un aux autres. ولا تباغضوا. Hein? Ne vous détestez pas les uns les autres et ne soyez pas jaloux les uns des autres. Et soyez des frères. Hein? Soyez des serviteurs, des frères. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le musulman, pour le musulman, il est comme un mur, comme une construction qui se renforcit les uns les autres. Chaque brique, elle renforcit l'autre brique et elle la solidifie. Eh bien, c'est comme ça les musulmans. Et il dit, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Ayyub, veux-tu que je t'indique un bon commerce à faire, hein? Une bonne affaire commerciale, bien entendu, hein, ô messager d'Allah, bien entendu que je veux connaître le bon commerce, la bonne affaire, hein? Il a dit, tu fais l'effort pour essayer de réconcilier entre deux personnes lorsqu'ils ont été en dispute ou ils ont, hein, détruit leur relation. Ça, la réconciliation, c'est une grande adoration. Al-islah bayna an-nas. تُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَعَدُوا. Tu les rapproches quand ils se sont éloignés. Ça, c'est une chose vraiment importante. Et à l'opposé de ça, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux croyants de s'aimer, d'avoir de l'affection les uns pour les autres, d'aimer le bien les uns pour les autres, de s'entraider dans la piété, dans la bonté, à faire les causes qui vont raffermir et renforcer et augmenter toutes ces qualités-là, toutes ces bonnes choses. Et à l'opposé de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit tout ce qui nuisait à ça, tout ce qui causait de la division entre les musulmans et de l'éloignement entre les musulmans. Tout ce qui amène de la division et de la haine, de la dispute. Et qu'est-ce qui est étonnant des fois, subhanallah, c'est de voir que c'est des choses comme ça qui arrivent même entre des gens qui sont sur le même manhaj, la même aqida, et puis malgré tout, tu vois que le shaitan arrive quand même à mettre entre eux des disputes. Et tu vois que pour des affaires de la dunya, ou des affaires de yani, futiles, ils ont des ennuis les uns avec les autres, des disputes les uns avec les autres, puis ils cessent de se parler. Un frère, il a fait une affaire avec un autre frère. Le frère, il lui a fait une injustice. Il a triché. Il n'a pas respecté sa parole ou son engagement. Il l'a trahi dans ses affaires. Les deux sont des frères. Sur le Coran, sur la Sunna, les deux, ils ont la compréhension des salafs. Les deux, yani, ils retournent aux mêmes ulama et aux mashaykh. Ils ont le respect pour ça. Mais yani, quand il y a un conflit ou un problème comme ça qui se produit, Allahul Musta'an, ils oublient tout ce que le Coran et la Sunna ont enseigné. Et ils disent, ça y est. Lui là, je ne veux plus jamais lui parler, je ne veux plus jamais être avec lui, je ne veux plus lui passer le salam, et c'est fini, jusqu'à ma mort, je ne veux plus jamais lui parler. Ajib, subhanallah. Et l'autre qui est dans le tort, il ne pense pas une seconde à corriger son erreur, ou à essayer de voir, oui, peut-être que finalement j'ai mal agi, peut-être que j'ai été injuste, je devrais peut-être réparer mon erreur vis-à-vis de mon frère. Non, il ne pense pas comme ça. Allahul Musta'an. L'autre, il lui a vendu une voiture avec des problèmes dedans. Et le frère, il vient le voir et dit, « Ahé, ta voiture, il y a des problèmes. » « Ah, trop tard, je te l'ai vendu. J'ai mon argent là maintenant, c'est ton problème. »« Ahé, c'est ton frère en Allah. » Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à sa place? Imagine, inverse la situation, mets-toi à sa place maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi? Fais-le pour lui. Tuhib li akhik, ma tuhib li nafsik. Tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Sois pas égoïste. Sois pas égocentrique, tu penses que à toi-même. Regarde, c'est quoi le problème dans la voiture? S'il y a des choses à réparer, tu peux te mettre d'accord avec lui, ou bien tu regardes, écoute, je vais payer une partie des frais pour la réparation des choses qui sont vraiment pas correctes, puis le reste, tu peux pas faire ça. Et même si c'était pas ton frère, même si c'était un kafir, ça justifie pas non plus de lui faire ça. Donc des fois on fait des choses dans la dunya et on oublie les règles de l'islam. Il y a des règles dans le bouillon. Et il y a des règles de qu'est-ce qu'on appelle al-khiyar, par exemple. Que quelqu'un, quand il achète quelque chose, s'il découvre des défauts dans ce qu'il a acheté, il a le droit de le remettre. Il a le droit de le rendre. Et il a le droit d'exiger son argent ou réparation. Mais les gens, ils ignorent le fiqh. Ils ignorent les règles, les ahkam de la sharia. Et ils font du commerce seulement en se basant sur qu'est-ce qu'ils pensent. Et puis après, quand il y a des problèmes et des conflits, ils oublient les règles de l'islam. Et après, comment tu veux après établir des règles de fraternité avec des gens qui te font de l'injustice, même si c'est des gens qui ont une bonne aqida et un bon manhaj, mais il y a un problème. Donc il faut comprendre ça, mes frères. Hein? On n'a même pas parlé des gens de bid'a, des gens qui ont dévié. On est en train d'expliquer maintenant entre des salafis, des gens qui sont sur la salafia, qui sont sur la sunna, hein, et qui agissent comme ça les uns avec les autres. Comment tu peux espérer qu'ils aient des vrais liens de fraternité s'ils agissent comme ça? Ou bien quand ils ont des difficultés ou des ennuis, et ils demandent qu'on les aide, personne ne vient pour les aider. Hein? Alors, si c'est comme ça, il y a, comme on dit, des frères comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Hein? On dit, en anglais, on dit ça des fois. Friends like these, you don't need enemies. Hein? Si tu as des amis comme ça, si des amis qui te traitent comme ça, alors tu n'as pas besoin d'ennemis. Hein? Ces amis-là te suffisent comme ennemis. Allahu al-musta'an. Donc, la division, c'est la perle de l'œil du shaytan. Parmi les djinns et les hommes, il y a des shayatins. Et eux, qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Parmi les choses qu'ils aiment le plus, c'est semer la division entre les croyants. Ça, c'est leur plaisir. C'est leur régal. Hein? Les shayatins, parmi les hommes et parmi les djinns, hein, ils ne veulent pas que les gens qui font partie de la religion musulmane et qui sont sur l'islam se réunissent sur quoi que ce soit. Ils veulent qu'ils se divisent. Ils veulent que les musulmans soient divisés. Et donc souvent vous voyez comme ça. Les koufars, ils font beaucoup d'efforts pour diviser les musulmans. Et pour diviser aussi même les gens qui sont sur la sunna. Des fois tu vois des divisions qui se produisent parmi les gens. Tu dis, ça là c'est pas normal. On dirait qu'il y a des doigts qu'un, hein, des doigts là qui manipulent des choses parmi les gens pour essayer d'encourager la division, mettre mettre la zizanie entre les gens, mettre de l'huile sur le feu. Oui, parce que les koufars, ils travaillent tout le temps pour essayer d'encourager la division entre les musulmans et d'empêcher qu'il y ait de l'union. Hein? Donc ça, il ne faut pas s'étonner à ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux ruses du shaytan et aux ruses des koufars aussi. Parce qu'ils veulent qu'on se divise. Ils savent que si on est divisé, notre force est divisée. Hein? Et qu'on ne pourra pas établir ce qui est obligatoire pour nous vis-à-vis d'Allah. Donc ils travaillent pour nous diviser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encouragés à se réunir et à s'aimer les uns les autres par ses actions et par ses paroles. Il nous a interdit de nous diviser dans la religion et il nous a interdit également tout ce qui peut amener à nous diviser dans nos paroles et qui peut nous amener à nous affaiblir. Et il dit, en ce qui concerne les actes des sahaba, alors on a vu que il y a eu des divergences entre les sahaba. Mais malgré ces divergences qui sont arrivées entre les sahaba, il n'y a pas eu de division, ni d'animosité, ni de haine entre eux. Hein? Parce que, il dit, ces divisions-là sont arrivées entre eux, même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était vivant. Et il donne l'exemple, parmi les exemples à ce sujet-là, c'est après la bataille de Al-Ahzab, Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a ordonné d'aller vers Bani Qurayza. Et Bani Qurayza, c'est une des tribus juives de Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui a ordonné d'aller jusqu'à Bani Qurayza pour les combattre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient brisé leur entente. Ils ont brisé leur entente de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils étaient supposés de défendre Médine lorsque Médine est attaquée par des mouchriquins. Parce que ça fait partie des clauses de leur entente avec Bani Qurayza. L'entente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signée avec les juifs, c'est que si des mouchriquins de la Mecque ou d'autres endroits viennent pour attaquer Médine, vous devez les, nous, yani, nous, les défendre Médine avec nous. Et vous devez les empêcher d'attaquer Médine avec nous. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé les mouchriquins contre les musulmans. Ils ont brisé leur entente de, hein, avec le prophète. Ils n'ont pas respecté leur entente. Alors, après la bataille d'Al-Ahzab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril l'a envoyé vers Bani Qurayza. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, ne prie, que personne d'entre vous ne prie Al-Asr, excepté à Bani Qurayza. Alors, ils sont partis, ils ont quitté Médine vers Bani Qurayza. Et le temps de Asr s'est approché. Certains d'entre eux ont dit, on ne va pas prier, excepté quand on va arriver à Bani Qurayza, et là-bas on va faire Al-Asr, même si le soleil s'est couché. Et d'autres ont dit, non, on va prier dans le chemin. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ça uniquement pour nous inciter à nous dépêcher, à arriver plus tôt à Bani Qurayza. Et donc, quand ils sont arrivés, il y en a qui avaient retardé la prière d'Asr et qui ont prié à Bani Qurayza, il y en a d'autres qui avaient prié en chemin. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu qu'est-ce que les deux groupes avaient fait, il n'a pas blâmé ni un ni l'autre. Et il n'a pas réprimandé ni un ni l'autre. Hein? Pourquoi? Parce que chacun avait compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon différente. Et chacun avait fait l'ijtihad qu'il pensait être le plus correct. Hein? Et en même temps aussi à l'époque c'était waqt nuzul al-wahy, c'était le temps de l'époque de la révélation du Coran. D'accord? Aujourd'hui on sait que si on doit aller quelque part, il faut prier avant d'arriver, avant que le maghrib arrive. Il faut faire l'asr avant le maghrib. Hein? On ne peut pas utiliser cette excuse là mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époque de la révélation. Lorsque les sahaba faisaient une erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les corrigeait, hein, et il leur expliquait qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et lorsqu'il a vu que les sahaba ici, chacun avait compris sa parole d'une façon et que sa parole elle impliquait l'un ou l'autre, il n'a pas blâmé aucun d'entre les deux. Hein? Et il n'a pas fait des reproches à l'un ou à l'autre dans leur compréhension de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne l'exemple de nos salaf al-salih, eh bien il dit que parmi les fondements de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, c'est que dans les questions dans lesquelles il y a des divergences, si cette divergence découle d'une différence dans l'ijtihad, hein, et que ça fait partie des questions dans lesquelles il est permis de faire l'ijtihad, alors il faut que les uns s'excusent aux autres, les uns et les autres s'excusent dans ces divergences-là, et que les uns ne portent pas de la rancune ou de l'animosité ou de la haine contre les autres vis-à-vis de ces divergences-là. Plutôt, chacun doit croire que son frère, hein, plutôt doit croire qu'ils sont des frères les uns avec les autres, même s'il existe entre eux ce genre de divergence-là. Et on parle de divergence dans les questions d'ijtihad. Et les questions d'ijtihad, ça veut dire quoi? Ça veut dire les questions dans lesquelles les ulamas ont divergé dans leur compréhension et dans la manière dont ils ont extrapoler les règles des différents textes. Ils ont compris les textes de manière différente, ou ils ont jugé de façon différente sur des points, mais en se basant sur des textes, chacun a compris les textes d'une façon particulière, toujours dans les limites des principes et des règles de la charia. Donc ces divergences-là dans l'islam, Hein? Il faut les tolérer, il faut les accepter. Et il dit que parfois même, certains d'entre eux priaient derrière une personne alors qu'ils considéraient qu'il n'était même pas, hein, son wudu n'était pas valable. Alors qu'ils considéraient qu'il n'avait même pas l'wudu. Mais ils priaient derrière lui quand même. Pourquoi? Parce que parfois, entre les ulama, il peut y avoir des divergences sur qu'est-ce qui annule le wudu et qu'est-ce qui ne l'annule pas. Et comme par exemple, le cheikh il cite comme exemple le fait de faire le wudu après avoir mangé la viande de chameau. Hein? Et il y a un hadith à ce sujet-là, et l'imam Ahmad ibn Hanbal, il considère que si quelqu'un il a mangé de la viande de chameau, il doit faire son wudu. Hein? Ça annule son wudu. D'autres parmi les imams n'ont pas cette opinion-là. Donc ils vont prier après avoir mangé du chameau sans refaire leur wudu. Mais malgré tout, les gens qui n'ont pas l'opinion, hein, qui ont, les gens par exemple qui ont l'opinion que ça annule le wudu, si leur imam il n'est pas de la même opinion qu'eux à ce sujet-là, mais ils savent que c'est basé sur l'ijtihad, ils ne vont pas s'abstenir de prier derrière lui à cause de ça. Pour dire, ah, mais lui, on croit que son wudu il n'est pas valable parce que il a mangé du chameau puis il n'a pas refait son wudu. D'accord? Donc le cheikh Ibn Uthaymin, il dit, donc ils vont prier derrière celui qui a mangé du chameau. Hein? Et ça, c'est parce que cet imam en particulier qu'il suit, il considère que le fait de manger du chameau, ça n'annule pas le wudu. Et les gens qui sont derrière lui considèrent que ça annule le wudu. Hein? Il considère donc que prier derrière lui, ça, la prière est quand même valable, même si celui qui l'a fait lui-même avait une opinion différente qui fait que selon ceux qui sont derrière lui, hein, sa prière ne serait pas valable pour eux. Donc il dit le cheikh que tout ça c'est pour dire que il considère que la divergence qui découle d'un ijtihad dans les choses sur lesquelles il est permis de faire l'ijtihad, eh bien dans ce cas-là, c'est pas une vraie divergence dans ce cas-là. Le cheikh dit, laysa fil haqiqati bi khilaf. Yani on ne le considère pas comme étant une divergence parce que chacun des deux qui ont divergé dans cette question-là a suivi ce qui lui est obligatoire de suivre comme preuve. Hein, duquel il n'est pas permis de se détourner. C'est-à-dire que chacun des deux, il a fait son effort pour trouver la vérité dans cette question-là et il a considéré, selon son analyse, que ce qu'il a fait, c'était ça la vérité. Et il a ramené son dalil. Alors, dans ce cas-là, yani, les ulama ils considèrent que ça, c'est une divergence qui n'amène pas une division. Hein. Comme les divergences qu'on voit entre les madahib dans le fiqh, hein, dans les différents chapitres de fiqh. Et quand on fait par exemple le livre Umdatul Ahkam avec le sharh de Sheikh Al-Bassam, dans chaque hadith, le Sheikh il ramène les divergences entre les ulama sur chaque hadith, sur chaque point. Et on voit que les ulama ils ont divergé sur beaucoup de questions dans le fiqh. Oui, ça c'est correct. فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل donc ils voient que leurs frères s'ils ont divergé avec eux dans une action quelconque et qu'il a suivi la preuve, hein, alors en réalité il est d'accord avec eux sur le principe de suivre la preuve et qu'ils basent leur parce qu'ils appellent à suivre la preuve peu importe où la preuve se trouve, même si ils ont divergé. Et s'ils ont été en contradiction avec eux, ou ils ont divergé avec eux sur cette question-là, en suivant la preuve, alors en réalité, il est d'accord avec eux, même s'il est en divergence en apparence. Parce qu'il marche sur le même principe, qui est de suivre le Coran et la Sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il y a des divergences sur lesquelles il n'est pas permis de diverger. Il y a des choses sur lesquelles il n'est pas permis de diverger. Et ça, on va l'expliquer. Mais quand on a dit les choses sur lesquelles il est permis de faire l'ijtihad, parmi les choses sur lesquelles il est permis de faire l'ijtihad, c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas un nas sarih. Si une question, il n'y a pas un dalil clair à son sujet, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, c'est dans ces questions-là que les ulama font des ijtihad. D'accord? Mais s'il y a un texte explicite sur un sujet, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'ijtihad. Parce que tu as parfois, les ulama disent, l'ijtihad ma'annas. Il n'y a pas d'ijtihad lorsqu'il y a un texte explicite et clair sur un sujet. Tu n'as pas le droit de faire d'ijtihad, ou de qiyas, ou d'analogie, ou d'utiliser ta raison, dans des questions sur lesquelles il y a un texte clair et explicite. Ils font uniquement l'ijtihad dans des questions sur lesquelles il n'y a pas de texte. D'accord? Donc c'est dans ces questions-là qu'il y a des divergences et sur, les, sur ces questions-là qu'ils font, des, qu'ils font l'ijtihad. Na'am. Donc, comme par exemple, s'il y a un hadith qui dit clairement que telle chose il faut le faire ou il ne faut pas le faire, ou telle chose est halal ou haram et que c'est clair, ça, ça veut dire que tu ne peux pas faire un ijtihad pour venir dire autre chose. D'accord? Il y a des gens parfois aujourd'hui, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, ah mais il faut faire l'ijtihad à propos de, par exemple, je ne sais pas moi, pour permettre le port. Hein? Tu ne peux pas permettre le port et dire que c'est un ijtihad parce que l'interdiction du port, elle est explicite et claire. Tu vois? Ou bien l'interdiction de l'alcool. Ou plein de choses comme ça, Yann. Hein, s'il y a un texte clair et explicite sur quelque chose, il n'y a pas de place dans ce cas-là pour l'ijtihad. L'ijtihad, c'est seulement quand il n'y a pas de texte au sujet d'une question. À l'époque, la lihya, il y a des gens qui disent qu'à notre époque, ce n'est pas permis. Ou que ce n'est pas obligatoire? Ok. Ouais, non, mais ça, c'est celui qui pense ça, yani, il faut qu'il ramène un dalil pour dire qu'à une époque en particulier, la barbe n'est pas obligatoire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit la barbe, laissez-la pousser à telle époque, puis à une autre époque plus tard, cessez de la laisser pousser ou rasez-la. Non. L'ordre de laisser pousser la barbe, c'est un ordre général. Et il n'y a pas de permission de la raser dans le temps. Hein? Donc, il n'y a pas d'ijtihad là-dedans, par exemple. Le cheikh il dit, en ce qui concerne les choses sur lesquelles il ne peut pas y avoir de divergence, il dit, c'est ce sur quoi les sahaba et les tabi'oun étaient tous d'accord et qu'ils n'ont jamais divergé. Donc, ce n'est pas permis par la suite qu'il y ait des divergences. Comme les questions de la aqidah, les questions qui ont rapport avec la croyance, et ceux qui ont divergé, qui ont dévié dans ces questions-là parmi les gens, hein, ces divergences-là ne se sont produites qu'après les trois premiers siècles bénis, c'est-à-dire que les bid'ahs ne se sont pas propagées, hein, et la divergence au sujet de ces questions-là ne se sont pas propagées de façon... hein, général, excepté après les trois premières générations. Même si certaines divergences sont apparues à l'époque des Sahaba, comme par exemple les Khawarij. Les Khawarij sont apparus à l'époque des Sahaba. La preuve, les Sahaba les ont combattus. Ali radiallahu anhu, il a combattu les Khawarij. Donc il y a eu des bid'ah, des innovations qui sont apparues à leur époque. Mais ce n'était pas eux hein, qui les ont amenées, ces innovations-là. Ceux qui ont amené ces innovations-là, c'est des gens hein, qui sont venus après eux. Hein, des innovateurs, soit des nouveaux convertis, ou des gens qui, yani, venaient de se convertir à l'islam, mais pas parmi les sahaba. Donc les Khawarij, même Ali radiallahu anhu, quand il est allé parler avec les Khawarij, il a dit, il n'y en a pas parmi vous, il n'y en a aucun d'entre eux. C'est-à-dire, parmi vous, les Khawarij, il n'y en a aucun d'entre eux. C'est-à-dire, aucun d'entre les Sahaba. Abdullah ibn Abbas, quand il est allé débattre avec les Khawarij, il leur a dit, il n'y en a aucun d'entre vous, hein, aucun d'entre eux parmi vous, aucun d'entre les Sahaba parmi vous. Donc, il y a eu des innovations, aussi la bid'a des Qadariyah. Les Qadariyah sont arrivés à la fin de la période des Sahaba, quand il restait seulement les jeunes parmi les Sahaba, ceux qui ont vécu plus longtemps. Abdullah ibn Omar, hein, Abdullah ibn Abbas, et ainsi de suite, Anas. Donc, ces innovations-là sont apparues, mais elles n'étaient pas propagées encore de façon générale. Et c'est pour ça, c'est pour savoir en fait que lorsqu'on dit une génération ou la génération des Sahaba, on parle de la génération dans laquelle la plupart des Sahaba étaient encore vivants. Hein? Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il le dit, la génération, on juge qu'elle est terminée lorsque la plupart de des gens qui la composent sont morts. La génération, on considère qu'elle est finie lorsque la plupart des gens qui composent cette génération-là sont partis. Donc, les trois premières générations, lorsqu'elles sont parties, pendant ces trois générations-là, on n'a pas trouvé de divergence qui se sont propagées entre eux parmi les Sahaba, hein, jamais dans la croyance. Et il dit, ceux qui ont contredit ce que suivaient les Sahaba et les Tabi'un par la suite, sa divergence n'a pas été acceptée. On n'accepte pas la divergence de ceux qui ont divergé d'avec les Sahaba et les Tabi'in. Il dit, en ce qui concerne les questions sur lesquelles il y a eu des divergences à l'époque des Sahaba, c'était des questions dans lesquelles on pouvait faire l'ijtihad. Hein? Et donc il faut faire la divergence, ou plutôt il faut faire la distinction entre ça et les questions sur lesquelles on ne peut pas faire de divergence. C'est ça. Et les choses sur lesquelles les Sahaba ont divergé, cette divergence-là, elle demeure par la suite. Mais les choses sur lesquelles ils étaient tous d'accord, on n'a pas le droit de diverger à leur sujet. D'accord ? Donc si tous les Sahaba étaient d'accord sur une chose, personne ne peut venir ramener une divergence à son sujet par la suite. Mais si ils étaient en divergence sur une question entre eux, eh bien, par la suite, yani, on ne peut pas accepter, c'est-à-dire cette divergence-là, elle va continuer, même après eux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné à ce sujet-là, il a dit, « إِذَا حَكَمَا إِذَا حَكَمَا الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدْ فَأَصَابْ فَلَهُ أَجْرَانْ وَإِنْ اِجْتَهَدَ فَأَخْطَأْ فَلَهُ أَجْرٌ وَهَدَ هُوَ الضَّابِطْ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la personne juge et qu'elle fait un effort, un ijtihad, et qu'elle elle réussit à trouver la bonne opinion par son ijtihad, elle a le bon jugement dans son ijtihad, elle aura deux récompenses. Une récompense pour son effort et une récompense pour avoir atteint la vérité. Par contre, si elle fait un ijtihad et qu'elle se trompe, elle aura une seule récompense. Elle aura une seule récompense au lieu de deux. Pourquoi ? Parce que elle a fait l'effort, donc elle est récompensée pour son effort, mais elle n'a pas la récompense pour avoir touché ou atteint la vérité. D'accord ? Mais ça, c'est pour dire que la personne qui fait un effort dans l'ilm, lorsque c'est un savant et qu'il fait un ijtihad dans la science pour arriver à un jugement dans une question sur laquelle il n'y a pas un texte explicite dans la religion de l'islam, il fait un ijtihad pour savoir le hukum. Est-ce que c'est wajib? Est-ce que c'est makruh? Est-ce que c'est haram? Il fait un ijtihad. Parce qu'il n'y a pas un hadith sur ça. Il n'y a pas un verset sur ça explicitement. Donc il va faire une analogie. Il va faire un ijtihad pour arriver au hukum. Et s'il arrive à la bonne réponse, il aura une récompense. S'il arrive à la mauvaise réponse, il va avoir, une seule au lieu de deux. S'il a la bonne réponse, il a deux récompenses. Tandis que la personne qui est ignorante, qui ne fait pas partie des ulama et qui veut faire l'ijtihad, alors lui, même s'il a la bonne récompense, même s'il a la bonne réponse, il va avoir un péché quand même. Parce qu'il a fait l'ijtihad sans avoir de science. Et celui qui juge sans science, il est dans le péché, même si par hasard il tombe sur la vérité. D'accord? Et le cheikh dit donc que c'est obligatoire pour les musulmans d'être unis et d'être comme une seule umma, et qu'il n'y ait pas entre eux de divergence, de partisanerie ou de division en partie parmi les musulmans qui se compétitionnent et qui se combattent les uns les autres, hein, avec leur langue, et qui se détestent et qui s'opposent les uns les autres, qui se disputent les uns les autres et qui divergent, ou bien qui se disputent à cause des divergences des différents madhahib. Ça, c'est pas permis aussi de se faire des disputes à cause de ça, parce que même s'ils divergent dans les choses sur lesquelles ils divergent, hein, selon ce que les textes impliquent, selon leur compréhension mutuelle, eh bien ça c'est une chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis, hein, c'est-à-dire une certaine espace, hein, il y a un espace pour la divergence dans ces questions-là, hein, c'est pas si rigide que ça. Il y en a parmi les musulmans, ils voudraient que les musulmans soient tous d'accord sur toutes les questions et sur toutes les opinions dans le fiqh, même dans les questions dans lesquelles il y a des divergences entre les musulmans depuis des siècles. Mais pourtant, ces divergences-là, elles existent depuis longtemps. Elles ne sont pas apparues aujourd'hui. Hein? Et même parfois, par exemple, ils vont dire, ils vont prendre la position d'un parmi les ulama qui sont sur la sunna. Et peut-être qu'un autre parmi les ulama qui est également sur la sunna a une position différente sur la même question. Hein? Pourquoi? Parce que lui, il a fait un ijtihad sur cette question. Et lui, il a jugé que cette position était plus correcte. L'autre, il a fait l'ijtihad sur cette question et il a jugé que cette opinion, elle était plus proche de la vérité. Et combien de fois on entend ça, hein? Sur différentes questions, sur la salat, sur le jeûne, sur le hajj, sur la zakat, hein? Et sur plein d'exemples comme ça aussi. Hein? Tu vas entendre par exemple Cheikh Ibn Uthaymeen, parfois il a une opinion différente de Cheikh Al-Fawzan. Et Cheikh Ibn Baz, il a une opinion différente de Cheikh Al-Albani. Et ainsi de suite. Donc les ulama ils divergent entre eux dans ces questions-là. Et ça, c'est pas un problème. C'est pas une chose qui va nous amener à nous diviser et à nous détester et à se diviser en sectes ou en groupes. Non. Parce que dans ces questions-là, il y a une marge, hein, pour la divergence. D'accord? Toutefois, de diviser les musulmans en groupes et en parties, ça, c'est quelque chose qui amène, hein, la division entre les musulmans. Et ça c'est également qu'est-ce qu'on voit par exemple dans les partis politiques, soit des partis politiques soi-disant islamiques ou des partis politiques non religieux, laïcs, la même chose. Dans l'islam, ça n'existe pas. Selon le Coran et la Sunna, les musulmans ils s'unissent derrière leurs dirigeants, autour de leurs dirigeants, ils donnent à leurs dirigeants la bay'a, l'allégeance, et ils lui promettent l'écoute et l'obéissance dans le bien, hein? Et ça, c'est comment on fonctionne dans la politique islamique. C'est pas avec les partis, c'est pas avec les courses électorales, c'est pas avec les élections, c'est pas avec tout ce qui en découle comme corruption et injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les musulmans de ces méthodes des kuffars. Alhamdulillah. Malheureusement, hein, beaucoup de musulmans sont influencés par ça et ils s'imaginent que le bien c'est là-dedans et que pour être, hein, évolué et moderne, il faut suivre l'exemple de ces kuffars dans tout ce qu'ils font, alors qu'en réalité, hein, on voit très bien que tout ça, ça vaut rien. Tout ça ne vaut rien. Et juste à voir les dernières élections américaines, tout le monde voit que tout ça, c'est pas sérieux. Et que c'est un gros gaspillage d'argent et de temps. Et tout ça, c'est chez les kuffars, mais sinon, parmi les musulmans, ça fait encore plus de désordre et plus de mal. Hein? Parce que ça divise les musulmans et ça mène beaucoup de fitna. Le cheikh, il dit ensuite, il dit l'important c'est que les musulmans s'unissent leur cœur et leurs paroles. Il n'y a pas de doute que les ennemis de l'islam aiment que les musulmans soient divisés, peu importe que ce soit des ennemis apparents et explicites. Shafaq Allah. Shafaq Allah. Naam, peu importe que ce soit des ennemis qui sont apparents et explicites parmi les ennemis de l'islam, ou bien des gens qui font semblant ou montrent qu'ils sont alliés aux musulmans et à l'islam, mais qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et ensuite, le cheikh il parle d'un point qui est relié à ça, c'est-à-dire que par rapport à ce fondement-là, on a dit que il y a beaucoup de... Il y a une question, le cheikh il dit, parmi les points qui sont importants de comprendre à notre époque, et c'est que on sait qu'il y a plusieurs groupes et plusieurs sectes qui existent à notre époque. Comment on peut arriver à savoir si un groupe a les caractéristiques qui fait en sorte qu'elle soit en contradiction avec le groupe sauvé et victorieux? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette umma allait se diviser en 73 sectes et qu'elle serait toute en enfer excepté une. Et il a dit, c'est celle qui suit ce que je suis aujourd'hui et mes compagnons. Et dans l'autre hadith, il a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui restera fermement accroché à la vérité. Ceux qui s'opposent à eux et ceux qui les abandonnent ne leur feront aucun tort. Et ils resteront ici jusqu'à ce que vient l'heure du jugement dernier. Donc ça veut dire que ce groupe victorieux et ce groupe sauvé, pour en faire partie, il faut avoir certaines caractéristiques. Et il y a des caractéristiques qui font que quelqu'un en sort et ne fait pas partie de ce groupe sauvé. Donc comment on fait pour distinguer les groupes qui ne font pas partie de ce groupe sauvé? Le cheikh, il dit, Cheikh Ibn Uzaymin, il dit, les gens ont divergé, se sont divisés, ils sont devenus des groupes et des sectes. Ils sont devenus des partis et des jama'at, comme on dit en français, ou en arabe, pardon. Et c'est quoi donc le principe ou la règle par laquelle on est capable de savoir que cette jama'a ou ce groupe fait partie des groupes qui sont en contradiction avec le groupe sauvé, qui contredisent la voie d'Ahl Sunnah? C'est quoi la règle, c'est quoi le principe qui nous permet de connaître ça? Et c'est quoi les caractéristiques par lesquelles ce groupe-là va entrer dans les différentes sectes qui ont contredit le groupe sauvé et le groupe victorieux? Il dit, le cheikh, l'imam al-Shatibi, il ramène à ce sujet-là une explication. Il dit, les groupes, les différentes sectes, elles ne deviennent des sectes qui contredisent le groupe sauvé que lorsqu'elles contredisent un principe ou une règle parmi les règles de la charia et de la religion, et non pas dans un élément parmi les éléments de la religion. Parce que les éléments et les branches, ça c'est des choses, même si quelqu'un les contredit, il ne devient pas, il ne va pas tomber dans une secte à cause de ça. Mais il devient une secte en contredisant des choses qui font partie des principes et des grandes règles de la religion, qui comprennent plusieurs éléments ensemble. Parce qu'une règle, c'est une série d'éléments qui sont réunis ensemble, qui forment cette règle-là. Donc lorsque quelqu'un contredit une règle, ça veut dire qu'il va contredire dans plein de différents éléments de la religion. Et donc, il explique, le cheikh Ibn Uthaymin, des exemples à ce sujet-là, ou bien plutôt, il continue l'explication. Il dit que le cheikh Al-Shatibi, l'imam Al-Shatibi, il donne l'exemple d'une question qu'on appelle Al-Tahsin Al-Tahsin Al-Akli. Il dit que les Mu'tazila, ils ont ramené cette divergence Et ça, c'est, ils ont divergé donc dans un des fondements, parmi les fondements de la religion. C'est un principe philosophique à tahsin al-aql, que c'est juste la raison qui peut déterminer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et non, on ne se réfère pas à la révélation dans ça. Donc, en amenant cette règle, ils ont ramené plein de contradictions dans différents éléments de la religion. Et donc, à cause de cet égarement dans cette règle, eh bien, ils ont innové dans plein d'autres principes et de différents éléments de la religion. Et donc, le cheikh, il dit, à ce sujet-là, لأن هذا إنما هو ثمرة ما قيل أولا فإنه لما كان الخلاف في قاعدة كلية ما الذي حدث كما مر في المثال المضروب وهو مسألة التحسين العقلي عاد ذلك بالمخالفة في الفروع لا تنحصر. Donc il dit, qu'est-ce qu'on a expliqué, c'est que si quelqu'un est contredit dans un fondement, eh bien le fait d'avoir contredit dans ce fondement de la religion, ça va amener plein d'autres contradictions dans différentes branches de la religion. Et il dit que le contraire est vrai également, c'est que lorsque des gens ont plein de petites contradictions dans différents éléments de la religion, que si on les réunit ensemble, eh bien ça commence à faire quelque chose de, hein, comme si c'était une règle pour eux. Et donc on peut distinguer un groupe qui est en dehors du groupe sauvé par ça aussi. Donc il dit, si tu regardes un des groupes parmi les groupes qui prétend appartenir à l'islam et à la Qibla, hein, n'importe quel groupe parmi les différents groupes qui existent aujourd'hui, sans nommer de nom en particulier, hein, juste comme exemple comme ça, il dit, si on regarde n'importe quel groupe parmi les différents groupes, est-ce que ce groupe fait partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a ou est-ce qu'il fait partie de Al-Firqat al-Najia, le groupe sauvé, ou est-ce que yani, elle est sous sa bannière, est-ce que ce groupe est sous la bannière du groupe sauvé ou non, ou est-ce qu'elle est en dehors des limites du groupe sauvé, hein? Tu la ramènes à cette règle et tu regardes, est-ce qu'elle contredit un principe ou un fondement parmi les fondements de la charia ou un principe fondamental parmi les principes fondamentaux de la religion, oui ou non? D'accord? Et donc il dit, si elle contredit dans un fondement de la religion, alors dans ce cas-là, on peut juger que ce groupe-là est un groupe d'innovation. Hein? Comme par exemple chez les Khawarij. Les Khawarij font partie des sectes d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit un des fondements parmi les fondements de la religion. Et c'est comme par exemple le fait qu'ils déclarent mécréant celui qui, parmi les musulmans, a commis un grand péché. Il a fait une kabira parmi les kaba'ir. Donc eux, ils vont le considérer kafir. Le musulman qui boit de l'alcool, le musulman qui a fait le zina, le musulman qui a menti, le musulman qui a volé, il dit, ah, lui c'est un kafir. Son sang est halal, on a le droit de le tuer. Et ses biens sont halal, on a le droit de prendre tout ce qui lui appartient. Hein? Et ça c'est un des fondements parmi les fondements des Khawarij. Ils ont contredit par cette règle-là, par ce fondement-là, Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc ils rentrent parmi les groupes qui sont en dehors du groupe sauvé. Et il dit le cheikh, parce que cette règle, le fait de dire que celui qui fait un grand péché, hein, il est kafir, ça touche à plein d'autres branches de la religion par la suite. Hein, ça touche à plein d'autres branches, hein, et ce qui fait que ces gens-là, ils sortent des gens parmi les gens de la sunna. Et ils ne peuvent pas faire partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont kuffars, hein? Les Khawarij, il y a divergence entre les ulama. Il y en a qui considèrent qu'ils sont kuffars, il y en a d'autres qui considèrent qu'ils ne sont pas. et la majorité considère qu'ils ne sont pas kuffar. Mais ceux qui les ont considérés kuffar, ils l'ont dit par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme sortant de la religion. Il a dit à leur sujet, يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَ. C'est-à-dire, ils sortent de la religion. Donc, il y a des ulamas qui les considèrent kuffar, et aussi par le fait qu'ils rendent halal le fait de tuer les musulmans, et ça c'est kuffar, parce que de rendre halal ce qui est haram, c'est du kuffar. Mais bon, la majorité des ulamas, ils considèrent qu'ils ne sont pas kuffar, parce qu'ils disent qu'ils ont fait cette erreur-là par un ta'wil, à cause d'une mauvaise interprétation. Donc ils les considèrent comme étant des gens de l'égarement, des gens déviés, mais pas des kuffars nécessairement. Donc il faut savoir qu'il y a parmi les groupes d'égarement, il y en a qui sont kuffars à cause du fait qu'ils ont fait un acte de kuff majeur ou shirk majeur, ou une croyance qui est kuff majeur ou shirk majeur. Mais il y en a d'autres sectes qui ont fait des innovations ou des bid'ahs qui n'arrivent pas jusqu'au degré de kuff et de shirk. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas en dehors de l'islam, ils sont toujours musulmans, sauf qu'ils sont parmi les gens qui sont sous la menace du châtiment d'Allah. Et s'ils rentrent en enfer, eh bien, c'est comme le reste des pécheurs, ils ne vont pas y demeurer éternellement. Seulement, celui qui est kafir ou mushrik, kufran ou shirkan akbar, c'est celui-là qui mérite l'enfer éternel seulement. Les autres, s'il rentre en enfer parmi les musulmans, il restera un certain temps. Et par la suite, il va sortir. Hein? Donc le cheikh, il dit, donc en ce qui concerne les khawarij, ils ne font pas partie du groupe sauvé. Hein? Parce qu'ils ont contredit une règle parmi les règles de la religion. Et ils ont également d'autres règles dans lesquelles ils ont contredit Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ils considèrent par exemple comme autre que le fait, c'est ça, que celui qui fait le takfir, hein, celui qui fait le takfir d'un musulman parce qu'il a fait un grand péché, ils considèrent que s'il meurt sur cela sans se repentir, qu'il sera éternellement en enfer. Ça, c'est les Khawarij qui croient ça aussi. Que si quelqu'un qui a fait un grand péché meurt de ce péché-là sans se repentir, il va être en enfer pour l'éternité. De même que les Mu'tazila aussi. Mais les Mu'tazila, eux aussi, ils ont contredit un autre principe de la religion, c'est de dire que celui qui fait un grand péché, il sort de la foi, mais il n'entre pas dans le kufr. Il est dans un degré entre les deux. Fi manzilatin bayn al-manzilatayn. Il est dans un degré entre deux degrés, entre la foi et le kufr. Donc tu ne peux pas dire de lui qu'il est mu'min, tu ne peux pas dire de lui qu'il est kafir, mais il est entre les deux. Ça, c'est une autre bid'ah qu'ils ont ramené, qui contredit la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Et ça, c'est un des fondements sur lequel s'est établi le madhab des Mu'tazila. Et donc les deux groupes se sont mis d'accord sur cette question, que celui qui commet un grand péché et qui ne se repent pas, il sera éternellement en enfer. Les Mu'tazila et les Khawarij sont d'accord là-dessus. Donc on voit ici que pour eux, ça c'est une règle générale dans la religion, et qui a plein différents embranchements qui sont innombrables et qui ne sont pas limités. Donc, par ce fondement-là, on peut dire que ces gens-là ne font pas partie de Ahlus Sunnah, et que ce sont des innovateurs, et qu'ils ne font pas partie du groupe sauvé. Et le contraire de cette question est ici, on trouve un groupe parmi les groupes qui ont divergé dans plein de différents éléments de la religion, mais qui n'ont pas divergé dans un fondement parmi les fondements en particulier. Mais ils prennent plein de petites affaires différentes et ils contredisent Ahlus Sunnah wal Jama'ah dans ces différents éléments-là. Hein? Étant donné que ces divergences sont nombreuses et qu'ils contredisent Ahlus Sunnah wal Jama'ah dans ces différents éléments, ça devient comme une règle. Hein? ça devient comme une règle générale. Et donc, ça a le même sens. Et donc, même s'ils n'ont pas contredit dans une grande règle, parmi les règles de la religion qui sont générales, eh bien, ça a le même résultat. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont été confus parmi les musulmans, même parmi les gens d'Ahl Sunnah. Hein? Donc, ils disent, à propos d'un groupe en particulier, « Ah, mais ces gens-là, quelles règles est-ce qu'ils ont contredit parmi les règles d'Ahl Sunnah ?» Il dit, tu dis, dans ce cas-là, ils n'ont pas contredit dans une règle ou dans un fondement, hein, en particulier. Hein, ils n'ont pas contredit dans une règle. Mais s'ils n'ont pas contredit dans une règle en particulier, parmi les règles générales de la religion, mais ils ont contredit dans plein de différents éléments nombreux. Hein, et tous ces éléments réunis ensemble, ça a la même, le même effet que de contredire dans une règle. Il dit, قال الشاطبي إنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص خواص علامات يعرفون بها وهي على قسمين علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. Donc c'est ça que le cheikh veut dire ici, soit qu'ils ont contredit dans un fondement, ou soit qu'ils ont contredit dans différents points des éléments. Le cheikh il a donné deux exemples, l'exemple des Mu'tazila et l'exemple des Khawarij, et yani, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on aurait pu citer et mentionner, mais inshallah pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Inshallah, demain on continuera à la suite. On a presque fini ce deuxième fondement, on va continuer ça demain, puis on va emboîter avec le fondement numéro 3 et 4 demain, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نشكر الداعية المسلم أبو حلمان سليمان العايتي على ما قدم وأفاد.